et temps, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Demael qui vient nous parler de son roman Les méandres de la Trinacle, publié en auto-édition chez Librinova. Bonjour Franck. Bonjour Mona. Alors je vais vous laisser vous présenter, nous parler un petit peu de vous. Bah écoutez, j'ai 55 ans, je suis, voilà, je travaille à l'hôpital depuis déjà 25 ans bientôt, et je, à côté, j'ai une petite évasion en écrivant, voilà, depuis environ 5 ans. D'accord, oui, parce que j'ai vu que vous aviez eu plusieurs vies, quand j'ai regardé la quatrième de couverture. Surtout jusqu'à mes 30 ans, j'ai eu beaucoup de vies, effectivement, oui. Alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait qu'un jour vous avez pris votre petit crayon ou votre ordinateur pour écrire? Eh bien, je ne sais pas, j'ai pris le crayon, c'est arrivé comme ça, j'avais une idée m'est venue. Ma femme me disait souvent, tu devrais écrire. J'ai dit, écrire un roman, c'est pas simple. Entre écrire quelque chose de court et puis écrire un roman, il y a quand même une différence. Elle m'encourageait. Et puis un jour, j'ai une idée comme ça, venue de Sicile, puisque ma femme étant sicilienne, on se rend régulièrement en Sicile. Et j'ai une idée comme ça d'histoire. Et c'est parti comme ça. J'ai d'abord griffonné et puis un brouillon. Et puis le brouillon, un manuscrit. Et puis voilà. Et vous ça vous a pris du temps pour écrire ce roman? Alors, ça a pris du temps parce que je suis revenu, j'ai laissé, j'avais écrit déjà en manuscrit, donc ce qui a pris un certain temps, hein, forcément, hein, donc je me suis relu, puis j'ai trouvé que ça n'allait pas, donc j'ai tout repris de A à Z, voilà, parce que quand on écrit une première fois, on découvre, et quand on écrit et quand on lit, il y a une grosse différence, hein, c'est ce qu'on se rend compte. Donc j'ai corrigé beaucoup de choses, et voilà, donc ça m'a pris environ 4 ans, hein, voilà, mais je faisais en dilettante totalement à côté de mon travail, j'ai d'autres activités quand même qui faisaient que je n'y étais pas tout le temps. Alors sur la quatrième de couverture, vous précisez que vous avez une passion pour la BD, oui. L'art absolu selon vous. Alors pourquoi un roman plutôt qu'une BD? Ah, parce que la BD, déjà, il faut savoir dessiner. Bon, on peut être scénariste, mais le dessin, c'est quand même une chose à part. Donc oui, je lis beaucoup de bandes dessinées aussi. Effectivement, j'ai eu les premiers amours, hein, comme tout le monde, hein, Tintin. J'étais le cinquième d'une famille de 5 garçons, donc j'avais tous les albums de mes frères aînés à lire. Donc c'est comme ça que j'ai appris à lire, d'ailleurs, je pense, plus à travers les bandes dessinées que sur les histoires qu'on nous donnait à l'école. Et puis voilà, après, oui, effectivement, j'ai commencé à avoir une bonne bibliothèque. Mais à côté, j'ai aussi beaucoup d'auteurs aussi que j'ai aimés, des premiers amours, hein, au niveau littéraire. Alors, parlez-nous de votre roman Les méandres de la Trinacle. Et tout d'abord, pour nos auditeurs, c'est quoi la Trinacle? Alors, la Trinacle, c'est cette fameuse gorgone représentée qui symbolise un peu la Sicile, les trois pointes de la Sicile. Et ces trois jambes représentent les trois pointes de la Sicile. Bon, c'est d'après les légendes grecques, cette gorgone qui ressemble un petit peu à Méduse, tête de Méduse, et puis ces trois pointes de la Sicile. D'accord, donc c'est ce qui c'est l'illustration c'est qui figure. Alors c'est la trinacle, en grec c'est plus trinacle, trinacria, hein, on dit plus, en français on dit la trinacle, on peut dire la trinacle. D'accord, c'est l'illustration qui figure sur votre... figure sur le livre, voilà, c'est un des symboles quand on va en Sicile, c'est un des symboles de la Sicile. Hein. Ça ressemble un petit peu, il y a un petit peu un rapprochement avec le triskel breton, où il y a ces trois pointes aussi, hein. D'ailleurs c'est rigolo le rapprochement, mais voilà, c'est... Ça représente les trois pointes de la Sicile. Ouais. Alors, parlez-nous de votre roman. Eh bien, écoutez, mon roman, on va dire que c'est la saga d'un jeune berger qui rêve d'un monde meilleur. Hein. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, avec les propagandes mussoliniennes qui commencent un petit peu à se développer sur le pays, sur la Sicile. Et lui, bon, il rêve, bon, comme un bon Sicilien, bon, il est amoureux déjà de Stella, et puis il rêve d'un monde meilleur, de lui offrir un monde meilleur. Il veut pas rester dans sa condition parce qu'il est quand même orphelin de père. Il vit avec sa maman, à quelques brebis, et puis il veut d'abord partir. Alors il trouve quand même un emploi sur Milan. Et puis ça se passe mal sur Milan parce que, bon ben voilà, il y a quelques petites échauffourées avec son employeur. En même temps, il se fait un ami. Il se fait un très très bon ami sur Milan. Et ils ont beaucoup de mal à trouver du travail parce que, ben, il y a toujours cette Mussolini qui est là, enfin le fascisme, avec ben, écoutez, à cette époque-là, si on avait un petit peu des pensées un petit peu différentes que celles de Mussolini, ben ça, on avait du mal aussi à trouver du travail. Les communistes avaient beaucoup de mal, étaient pourchassés. Alors lui, il est totalement apolitique, hein, et il est naïf, il est surtout naïf. Et il est avec son copain Luigi, qui est un peu plus au courant de la politique que lui. Donc il trouve des petits boulots, de petits boulots en petits boulots. Il a quand même du mal à joindre les deux bouts. Et puis il se sent redevable des efforts qui ont été consentis par son oncle qui lui a donné l'argent pour partir à Milan. Parce qu'il était logé chez sa maman, j'ai oublié de le dire, chez sa tante. Mmh. Donc, il quitte sa tante parce que son cousin est fait partie des jeunesses de Mussolini, justement. Donc, ça ne se passe pas du tout bien. Donc, il ne reste pas longtemps du tout. Il ne reste même pas une semaine chez sa tante. Et son vieux rêve lui revient de s'engager par fierté, bercé par les belles paroles de l'Italie forte, d'un monde meilleur. Et donc, il s'engage quand même chez les Bersagliers, une armée d'élite de l'armée italienne. Et là, il s'y sent très bien parce qu'il est reconnu. Déjà, il est doué. Il est doué pour l'art de la guerre. Il est doué pour parcourir des kilomètres, et au tir, il est très bon. Et puis, donc, il revient au pays en permission. Fier comme tout, il a caché à sa mère aussi. Il a beaucoup de rapports avec sa maman, hein, dans ce roman très très proche. Oui. Hein, et il cache à sa mère qu'il s'engage. Il fait croire qu'il a trouvé du travail là-bas. Puis quand il le revoit en costume, avec le fesse sur la tête. Donc ça lui fait tout, ça. Et puis bon, sa maman l'accepte. Elle n'a pas le choix. De là, il se marie quand même. Il se marie dans le pays. Avec son amour de jeunesse, donc. Voilà, avec Stella, son amour de jeunesse, son seul amour, son premier amour. Mm-hmm. Et puis vient le début de la guerre. Mm-hmm. Début de la guerre, et son périple en Russie, mm-hmm. avec l'armada italienne en Russie, où c'est un fiasco total. Un fiasco. Mm-hmm. Et puis il en revient mutilé. Hein. Oui. Et de là commence sa seconde vie de handicapé. Et avec cette histoire maintenant, on arrive dans l'histoire plus sicilienne, on va dire, hein, où il y a aussi un petit mélange de mafia. Hein, avec son, il a aussi un concurrent, un vieil ennemi qui est un mafioso. Mm-hmm. Et puis après le débarquement, l'opération Husky, le débarquement des Américains en Sicile, et de là, il y a aussi des gens pas très sympathiques. Hein, la guerre, faut pas, hein, c'est pas, il y a pas, y a pas les bons et les mauvais, hein, malheureusement, et les mauvais sont partout. Oui. Et la guerre, ça permet de faire beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas se permettre en temps de paix. Mm-hmm. Et donc, il se retrouve confronté aussi à cet enfant de mafioso qui utilise quelques GI qui ne sont pas très très, on va dire, clean, pour faire une expédition chez son copain et espérer avoir les faveurs de Stella, enfin les faveurs non consentantes de sa femme. Oui. Et il est, ce que je dis aussi, il est père de famille. Hein, oui. Il a une petite fille, oui. Une petite Saveria. D'accord. Alors nous revenons dans quelques instants après Fortuna et Son du groupe Creedles. Cheese! Alors, nous sommes toujours avec Franck de Maël. Alors, pourquoi situer le roman dans les années de la montée du fascisme et de la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qui vous attire dans cette période? En fait, c'est la réponse serait plutôt... j'ai basé ça d'après un personnage que j'ai connu au début de mon mariage, qui était l'oncle de ma femme, oui, et qui était revenu de cette fameuse campagne de Russie, mm-hmm, et qui était revenu mutilé aussi. Donc, je suis parti de là et j'ai brodé tout autour. D'accord. Voilà, c'était vraiment... j'aime aussi tout ce qui est histoire, hein. j'aime bien l'histoire, ce qui m'a permis de m'amuser en écrivant ce livre, mais c'est parti de ce personnage, en fait, ce roman. Alors, Calogero, donc votre héros, est un personnage très très attachant, donc il rêve aussi effectivement d'une vie meilleure. Oui. Donc, il a eu du mal à trouver du travail à Milan, puisqu'il ne, même s'il est très très jeune, il n'adhère pas vraiment aux idées de Mussolini. Mais en même temps, cela l'arrange quelque part, parce qu'il a toujours rêvé un peu d'aventure, oui, de reconnaissance. Il a rêvé de reconnaissance déjà. Il a eu l'histoire de son père qu'on lui racontait, qu'il n'a pas connu, ou qu'il était très jeune quand il est décédé. Donc son père qui était aussi Arditi durant la Seconde Guerre mondiale. Les Arditi, c'était un petit peu les premiers commandos qu'on avait sur les champs de bataille, commandos italiens, donc il y avait beaucoup de Siciliens aussi. Et bon, il a cette image-là idéalisée du père, qui était un héros, qui est revenu. Et puis lui, il veut un petit peu avoir ce parcours-là, il veut beaucoup de reconnaissance. Oui. Alors, il va participer donc à la campagne de Russie et donc combattre aux côtés des Allemands et des chemises noires. Mmh. Ça va être assez épouvantable. Mmh. Il va être témoin d'exactions commises par les soldats de son camp. Mmh. Il ne pourra rien y faire, mais ça va le hanter. Oui, ça va le hanter, comme beaucoup de gens qui sont passés par là, qui ont fait la guerre... avec leurs moyens, je pense que l'être humain est capable de faire des choses horribles, mais après, ce qui différencie d'un animal, c'est que l'être humain a des remords. Je pense que n'importe qui peut avoir des remords sur ce qu'ils ont pu commettre durant la guerre, oui, ou voir déjà aussi, ça tourne dans sa tête, effectivement. Ça tourne dans sa tête. Oui. Après, il vit avec... Et lui qui n'était pas violent, ça va générer quand même une certaine violence en lui, tout ce qu'il a. Oui. Il y a quand même un petit fond de violence en lui. À la base, il est très pacifique, mais quand on le repousse vraiment dans ses retranchements, il peut être violent. Cette violence-là, il essaie de la canaliser. Bon, il y a sa femme pour la canaliser aussi. Mmh. Puis il y a sa fille quand il revient. Sa fille qui est vraiment qui est un pansement pour lui, qui guérit quand même beaucoup ses plaies, qui est... Et donc, mais elle est toujours quand même en lui, elle est domptée, on va dire. Oui. Alors, il revient en Sicile puisque la guerre est finie pour lui, puisqu'il il devient handicapé. Oui. Mais la guerre y arrive aussi avec le débarquement des Alliés. La guerre revient vers lui, le débarquement des Alliés. Cette expédition jusque chez lui, avec ses personnages pas très recommandables, comme il est dans chaque corps d'armée, je pense, poussé par ce fameux Girolamo. Oui. Et donc, il se retrouve à nouveau confronté à ça. Oui, mais s'il n'avait pas été militaire, s'il n'avait pas combattu en Russie, est-ce qu'il se serait défendu comme il l'a fait? Je pense qu'il se serait défendu. Est-ce qu'il aurait réussi à se défendre? Oui, il se serait quand même défendu, je pense. Oui. Parce qu'il a quand même une part de violence en lui. Mais après, il n'a pas eu l'enseignement. Sans enseignement, aussi des armes, on fait ce qu'on peut, mais je ne pense pas qu'il aurait peut-être réussi à s'en sortir. Alors, à côté de la grande histoire, il y a la petite histoire, la vie ordinaire de gens embarqués dans un destin qui les dépasse. Oui. Alors, vous racontez la Sicile, les liens familiaux très serrés. C'est encore le cas maintenant, ces liens familiaux très, très resserrés? Oui, c'est encore le cas quand même. Oui, c'est... Il y a encore beaucoup de... Oui, la famille, c'est sacré. Bon, enfin, moi, j'ai la vision de ma belle famille, forcément. Mais il y a encore de grands liens avec les cousins, les cousines. Oui, c'est encore présent en Sicile quand même. Oui, tout à fait. Et les parents font ce qu'ils peuvent pour élever leurs enfants, leurs petits-enfants, même voilà, avec leurs moyens. Mais oui, c'est quand Oui. même. La Sicile est toujours misérable, comme elle... moins peut-être Non, qu'elle alors l'était avant. elle est moins. Il y a toujours quand même une cinquantaine d'années de retard. Hein, au départ, ils avaient quand même pas mal de retard. Ça s'est bien rattrapé, surtout avec. Puis il y a eu les émigrés, hein, tous ces émigrés. Hein, il y a eu des couches successives de migrants, donc dans différents pays du monde, hein, le Brésil, les États-Unis, l'Allemagne en Europe, l'Allemagne, la France. Il y a eu la richesse, puis maintenant, c'est. La misère n'est plus, non, ça y est, il y a quand même, enfin, il y a toujours de la misère forcément dans ces villes du Sud, hein. Il y a toujours des quartiers lépreux comme à Palerme, mais la misère est moindre. Elle se voit moins aussi, quand même. Oui, Elle c'est se voit ça. moins. Alors, vous émaillez votre récit d'expression du cru. Il y a même quelques recettes de cuisine. On vous sent amoureux de ce pays. Oui, bah oui, bah ça fait bientôt 30 ans que je suis marié, donc en comptant tous les 2 ans, hein, vous voyez, ça fait environ au moins 15 fois que je suis allé en Sicile. Donc j'ai eu le temps d'aimer, oui, puis effectivement, la cuisine, on est en bord de mer, hein, déjà, et ce sont des plats simples. Simples, mais c'est très, très, oui, très goûteux. C'est une cuisine que j'aime, effectivement. Oui, tout à fait. Et oui, j'ai voulu apporter un petit peu, au-delà de ça, un petit peu une. Faire connaître un petit peu la Sicile par ses expressions. Dans mon livre, je me suis attaché à ça, hein, les expressions, et puis effectivement, au niveau culinaire, beaucoup de choses que j'ai connues, enfin que je connais encore. Tout à fait, Alors donc c'est une histoire d'amour aussi donc avec Stella oui. et aussi une belle histoire d'amitié avec Luigi. Vous pouvez nous parler un Oui. petit peu de ces deux personnages? Ah bah Luigi, c'est un petit peu le. Il est antipode de Calogero, hein. Il est très loquace, c'est un colosse. Lui, il vient du Piémont, hein, donc rien à voir. Calogero, c'est le Sicilien taiseux, hein, donc à la base. Mais les deux se complètent merveilleusement. Et puis, bon, le geste de Calogero, son premier geste d'aller aux côtés de Luigi contre son patron, c'est ce qui débute tout. Et puis après, il y a la générosité, hein. La générosité de Luigi et son insouciance au début. Alors, effectivement, c'est très très fort comme c'est vraiment son ami à la vie et à la mort, comme on dit. Hein. Et puis après, bon, le fait de partager, de partir ensemble après sur le front, ça, effectivement, ça lie encore plus. Et puis après, bon, il lui doit aussi la vie, hein, ce qui a du mal au début, hein, parce qu'au début, Oui, c'est pas facile d'accepter un d'accepter handicap son de handicap, tel. Oui, c'est bien pas évident sûr. du tout, c'est pas Oui. évident. Et c'est peut-être aussi moins évident encore pour Stella, parce que bon, Ouais. elle a pas connu son mari très très longtemps Très valide en longtemps. fait, hein. Et oui, effectivement, c'est ce que lui dit un petit peu le fameux oncle, l'oncle Miko. Hein, et il dit, écoute, quand il revient et puis qu'il veut plus voir personne, qu'il se ferme, il dit, ta femme et ta maman, elles ont souffert aussi autant que toi. Hein, pas de la même façon, mais elles ont souffert aussi, hein, en attendant, et elles ont été courageuses. Donc, essaie d'en profiter. Alors, c'est un roman en trois parties, avant, pendant et après la Oui, guerre. oui. Alors, vous y parlez aussi des traces laissées par cette guerre fratricide entre les Italiens pro ou anti-Mussolini. Le temps a un peu effacé les rancœurs? Oui, je pense. Oui. Maintenant que On les parle. participants sont presque tous Oui, c'est décédés, en ça, fait, oui. c'est Ah ça? oui, c'est ça, Oui. l'histoire après ça. Oui. Oui, c'est pas trop resté dans les mémoires parce que quelquefois, dans ces... Le peu que j'ai pu discuter avec ces. Bon, malheureusement, comme vous dites, la génération s'éteint petit à petit. Hein. Mais, ouais, non, je pense que c'est effacé. Bon, j'en discute un petit peu avec mon beau-père. Il ne rejette pas tout Mussolini parce qu'il avait amené beaucoup de choses. Il avait fait, effectivement, il avait essayé un petit peu de. Il avait fait construire des gymnases, des choses comme ça, des autoroutes. Hein, c'était Mussolini, c'était quand même là. Voilà, on allait vers le modernisme. Il a fait beaucoup de choses pour que. Au niveau des bâtiments, au niveau du bien-être, pour essayer de. Donc, Alors certains ont ce souvenir-là, hein, mais après, bon, voilà, il y a l'idéologie qui est quand même aussi Bah oui. présente, et ça n'a rien à voir. Hein, Alors, qui dit Sicile dit aussi mafia. Alors, je ne savais pas que Mussolini avait combattu la mafia, mais avec le débarquement des Alliés, tout change. La mafia revient en force. Oui, tout à fait. Bon, c'est une histoire assez connue, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a l'image de Lucky Luciano qui a donné un coup de main pour renseigner. Et donc, ils se sont renseignés, oui, effectivement, avec la mafia, une fois qu'ils sont arrivés en Sicile, ils les ont bien aidés. Oui, ils avaient la connaissance du pays. Ils avaient la connaissance du terrain, du pays. Oui, ah, oui. Et donc, ça a bien aidé les États-Unis de mettre poser les pieds dans cette île qui était quand même assez pleine de... Géographiquement, hein, c'est un terrain qui n'est pas facile non plus. Et puis, oui, et donc, d'avoir les connaissances géographiques, c'était... Ouais. C'était bien. Alors, la mafia n'a pas bonne presse, bon escient. Pourtant, elle a un code d'honneur. Eh oui, il y a le code d'honneur de la mafia. Oui. C'est assez surprenant. Ils sont assez chatouilleux, d'ailleurs, sur leur code d'honneur. Ah oui, ils sont assez chatouilleux. Alors, après, il y a eu... Alors, je ne suis pas un spécialiste de la mafia non plus. Bon, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, mais il y a différentes mafias. La mafia dans l'ancien temps... Parce que maintenant, on a tendance à généraliser le mot mafia. Hein, il y a toutes sortes de mafias quand on entend parler maintenant. Mais la mafia sicilienne d'il y a 50 ans, avec encore bien ses codes d'honneur, effectivement, avant que la drogue n'arrive, surtout aussi. Hein, donc, oui, effectivement, il fallait quand même avoir une rigueur par rapport à sa famille, par rapport à... Et puis, respecter la hiérarchie, hein, voilà, entre le soldat de la mafia et puis les parrains, hein, qui étaient hiérarchisés, qui avaient chacun leur région à couvrir. Oui. Alors, j'imagine que pour écrire cette histoire, vous avez dû vous documenter. Vous aimez l'histoire ? C'est oui. Les recherches nécessaires participent aussi au plaisir d'écriture. Ah oui, bien sûr, on apprend beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que j'ai découvert ça en écrivant ce premier livre. C'est que on apprend beaucoup de choses en essayant d'informer. Oui, j'ai bien aimé effectivement. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Donc c'est passionnant d'écrire un livre là-dessus, un livre historique, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi non plus. Hein. On essaie de vérifier. Alors effectivement, avec les moyens, maintenant Internet est quand même bien pratique pour ça. Oui. Mais bon, il faut aussi regarder à deux fois, parce qu'il y a des informations, elles ne sont pas toujours non plus... Oui, puis il y a encore des gens qui existent, donc on peut pas, quand c'est tout près comme ça, l'histoire, on peut pas trop broder non plus. Non, c'est vrai. Sur les vrais. Mais c'est vrai que c'était un plaisir aussi, c'est ça, de s'informer pour pouvoir argumenter un petit peu en écrivant. Oui. Alors, quels sont vos projets maintenant ? Mes projets, bien écoutez, j'ai achevé un deuxième livre, alors qui est encore un livre d'histoire, mais sur Première Guerre mondiale, on descend un petit peu. Je pense qu'il sera disponible, j'espère, dans ces mois à venir, là, avant les vacances, je pense pouvoir l'éditer. C'est Carnix, le titre. C'est pas du tout une saga, là c'est un thriller, hein, voilà, sur un fond de 14-18, fin de la guerre 14-18, une offensive, les dernières offensives de Mangin, il découvre un trésor, il y a un obus qui déterre un trésor, et il y a une histoire, entre différents poilus, des poilus lorrains, c'est un régiment de Lorrain, et donc il y a donc différents. Chaque poilu a envie de. Bien sûr, convoite ce trésor, essayer de s'en sortir vivant, déjà avant la fin de la guerre, pour récupérer ce fameux trésor. Donc entre un lieutenant et les autres bifins de la compagnie, donc environ 6 personnes. Et donc il est plus court que Les Méandres, mais c'est un autre genre que j'avais envie d'écrire aussi. Et puis après j'ai des nouvelles aussi, j'écris sur Short Edition, je sais pas si vous connaissez. J'ai regardé, oui. Voilà, donc j'ai quelques nouvelles qui étaient là, et je leur en ai envoyé une troisième il y a environ une semaine. et puis que je compte éditer quand j'en aurai suffisamment, peut-être un petit recueil de nouvelles. Là, je m'amuse, c'est récréatif, les nouvelles, j'aime bien. Alors, dites-nous où l'on peut trouver votre livre, bien sûr. Eh bien, donc, sur tous les, la Fnac, hein, Amazon, LibriNova, oui. Qui est l'agent que j'ai fait appel pour pouvoir m'éditer. Et puis, sur Nancy, la Taverne du Livre aussi, qui m'a voulu me prendre quelques livres. Voilà. Et puis, les salons, participerai au salon Le Livre sur la Place en septembre. Donc, j'ai une demi-journée dans les auto-édités. Hein, oui. Voilà. Alors, vous fréquentez les salons du livre, c'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré. Vous aimez aller à la rencontre du public ? Ouais, c'est nouveau pour moi, oui, ça, j'aime bien, oui, tout à fait, oui. On peut apprendre des choses, puis puis j'aime bien aussi qu'il y ait des échanges hein, par rapport à ce que j'écris, savoir ce que les gens en pensent, c'est bien aussi, même si c'est en négatif ou pour pouvoir essayer de corriger, oui, j'aime bien, tout à fait. Alors donc, vous avez dit que comme prochain rendez-vous, il y a le livre sur la place. Vous n'en avez pas d'autres pour l'instant ? Non, après il y aura... j'ai pas encore trop... Non, puis après ce sera Saint-Max, mais Saint-Max c'est en novembre. Oui. Donc d'ici l'été, non ? Non, je pense pas. Après, j'ai travaillé beaucoup les week-ends aussi hein, à l'hôpital, donc on... Oui, bien sûr, c'est pas toujours simple. Non, c'est sûr. Alors juste, il nous reste une minute. Quel est votre auteur préféré, contemporain ou pas ? Ah, c'est dur ça, l'auteur préféré, contemporain ou pas. On ne va pas y aller en bande dessinée parce que j'en aurais trop, mais en vraiment littéraire, mon premier amour, c'était Clavel. Voilà, c'était mes premières lectures, Zola, Clavel, et après, vraiment contemporain, je dirais Chatham, j'aime bien Chatham, Grangier aussi. Alors merci à Franck de Maël d'être venu nous parler de son roman « Les méandres de la Trinacle », publié en auto-édition chez LibriNova. Alors au revoir à tous et à bientôt.